Histoire. Lorsque Ting Chi était jeune, il se distinguait déjà par son esprit vif et pénétrant, mais il avait la passion du jeu. Son père, l'ayant réprimandé sans succès, le chassa immédiatement. Ting Chi alla étudier à la capitale et obtint le grade de licencié. Un physionomiste examina les traits de son visage et y remarqua les signes les plus favorables. Dans le prochain concours, lui dit-il, c'est vous qui obtiendrez le premier rang sur la liste des docteurs. Ting Chi sentit redoubler son orgueil et continua à jouer sans relâche. Ayant vu deux de ses condisciples de la province du Sichuan, qui possédaient de grandes richesses, il usa d'adresse pour les engager à jouer avec lui, et leur gagna 60 000 onces d'argent. Un jour, il rencontra le même devin qui lui dit « Votre physionomie est bien changée. N'auriez-vous pas eu recours à la ruse pour acquérir de l'argent et fait quelques mauvaises actions de propos délibérés ?» Ting Chi fut rempli d'étonnement et de crainte, et avoua la vérité. « Eh bien, s'écria-t-il, je vais aujourd'hui rendre toute la somme. Qu'en dites-vous ? Puisque vous ouvrez votre cœur au bien, lui dit le devin, les esprits ne manqueront pas de le savoir. Si vous vous corrigez en effet, vous pouvez encore obtenir la 6e place. Sur le champ, Ting Chi restitua la somme entière et vit son nom placé au 6e rang sur la liste des docteurs. Voilà un homme qui reconnaissait ses fautes et qui savait s'en corriger. Un jour, un homme de Liancheu, nommé Xiu An, ayant acheté, suivant sa coutume, plusieurs dizaines de bœufs, leur faisait passer le fleuve Qiang dans un bateau. Tout à coup il s'éleva une tempête. Les bœufs tremblaient de frayeur. Xiu An adressa sa prière au ciel et à la terre, et promit avec serment qu'au lieu de vendre ses bœufs à des bouchers, il les vendrait à des laboureurs, aussitôt qu'il serait arrivé chez lui. Dès qu'il eut achevé sa prière, le vent s'apaisa sur le champ, et le bateau échappa au naufrage. Quelque temps après, le gouvernement se trouvant en guerre avec les Japonais, les magistrats s'empressèrent d'acheter des bœufs pour l'armée. Xiu An sentit renaître sa cupidité. Il songea qu'en leur vendant des bœufs, il pourrait gagner beaucoup d'argent. De suite, il embarqua des bœufs sur le bateau d'un boucher attaché à l'armée. Ces bœufs furent saisis d'effroi, et il s'éleva une violente tempête qui ensevelit Xiu An au fond de la rivière. Voilà un homme qui connaissait ses fautes et ne sut pas s'en corriger. Connaître ce qui est bien et ne pas le faire. Commentaire. Celui qui sait clairement qu'il faut pratiquer le bien, et qui ne se donne pas la peine de faire de bonnes actions, montre par là qu'il est entièrement dénué de l'amour de la vertu. Il ne peut manquer d'éprouver les plus grands malheurs. Histoire. Su Qing, qui vivait sous la dynastie des Tang, était d'un naturel dépravé. Toutes les fois qu'il voyait rapporter dans un livre ancien, une parole ou une action vertueuse, il disait que c'était un mensonge. S'il voyait un homme faire le bien, il le calomniait ou le tournait en ridicule. À l'âge de 30 ans, il tomba dans la plus grande détresse. Toutes les parties de son corps se rapetissèrent insensiblement, et il finit par se changer en chien. Il mourut l'année suivante. Wang Wen Xiaokong ayant reçu de l'empereur une dignité éminente, s'affligeait de la mort prématurée de son fils Wang Geng. Celui-ci lui apparut en songe et lui dit « Vous souvenez-vous qu'en refusant un certificat, vous avez causé la mort de 72 personnes ?» Wang Wen demeura interdit. Il faut savoir que, quelque temps auparavant, Un inspecteur des mers arrêta des marchands qu'ils prenaient par erreur pour des pirates. Une multitude de personnes eurent pitié de ces malheureux et supplièrent Wang Wen de leur donner un certificat qui aurait pu leur sauver la vie. Wang Wen se refusa obstinément à leur demande. Ces 72 hommes reçurent tous la bastonnade et expirèrent sous les coups. Telle était la cause de la mort prématurée de son fils. On voit par là qu'il faut faire le bien en toute occasion, et chercher sans cesse à être utile à ses semblables. Nous ne devons point être arrêtés par la crainte d'encourir le blâme des autres, ou de nuire à notre propre considération. Le saint homme Changchun dit : notre premier devoir est de faire du bien à nos semblables. Mettons-nous de suite à l'œuvre, si nos forces nous le permettent. Si nous échouons dans notre entreprise, que ce soit pour nous un sujet de regret et de douleur. Si les hommes d'aujourd'hui ne font pas le bien, ce n'est pas qu'ils n'en aient le désir. Mais les uns ont l'amour de la réputation. S'ils se présentent une grande affaire, ils craignent de se compromettre, et si c'est une affaire peu importante, ils ne daignent pas s'en occuper. Les autres ont le désir d'obtenir une récompense. Dans le commencement, ils montrent un zèle louable, mais ils finissent bientôt par tomber dans la tiédeur et la paresse. Il y en a qui ne font pas une seule bonne action pendant toute leur vie, et qui veulent se faire passer pour des hommes vertueux. On en voit d'autres qui dépensent 1000 onces d'argent pour nourrir des religieux et bâtir des temples, mais ils laissent leurs proches parents dans la dernière détresse, sans songer à leur tendre une main secourable. Toutes ces personnes doivent être rangées parmi celles qui ne font pas le bien. Rejeter ses propres crimes sur les autres. Remarque, quoique celui qui fait du mal à ses semblables, sans aucun motif, puisse quelquefois échapper aux peines que prononcent les lois de l'État, il ne manque jamais de recevoir son châtiment dans l'autre monde. Histoire. Cheupita, qui vivait sous la dynastie des Song, était gouverneur du département de l'Ain en Fou. Le feu ayant pris par accident dans un magasin public, l'incendie se propagea et consuma plusieurs maisons particulières. Le gardien devait être condamné à mort. Si le feu eut pris par mon imprudence, demanda Pita, quelle peine me ferait-on subir? On se contenterait de vous ôter votre charge, lui répondit le greffier. Sur le champ, Pita alla s'accuser d'être l'auteur de l'incendie, et le garde-magasin échappa à la mort. Dans la suite, Pita devint un ministre célèbre de la dynastie des Song. Il est beau de prendre sur soi les crimes des autres pour les arracher à la mort. Que doit-on penser de ceux qui rejettent leurs propres crimes sur les autres? Dans la première année du règne de Huizong, 1626, un docteur de Changshuyan, nommé Wang Yi, avait deux domestiques, l'un fin et rusé, l'autre tout à fait stupide. Le premier, ayant volé une somme d'argent à son maître, rejeta ce crime sur son camarade. Le docteur et son fils, qui occupaient des fonctions publiques, ne se donnèrent point la peine d'examiner l'affaire. Ils traduisirent le domestique imbécile devant le magistrat, afin qu'il le châtiât et lui fît rendre l'argent. Tous les autres serviteurs soupçonnaient qu'il était victime d'une injuste accusation. Mais le domestique intelligent persista dans son faux témoignage. Le domestique imbécile, n'ayant pu se justifier, on l'attacha pendant la nuit au pied d'une perche à laquelle était suspendu un drapeau, et on le donna à garder à son camarade qui l'avait accusé. Au milieu de la nuit, la perche qui soutenait le drapeau se brisa tout à coup en deux et tua le domestique intelligent. Toute la ville fut ébranlée par ce bruit, et cependant le domestique imbécile se trouva sain et sauf à côté de lui, et assura qu'il n'avait rien entendu. Le jour étant venu, on fit une perquisition dans la chambre du domestique rusé, et on y trouva la somme qui avait été volée. Cet événement fit éclater l'innocence du domestique imbécile. On voit par là que celui qui a commis un crime doit en subir la peine, et qu'il ne fait que l'aggraver en le rejetant sur les autres. Arrêtez l'exercice des arts et des métiers. Commentaire. Les mots yonksé signifient arrêter, retenir, empêcher qu'une chose ne s'étende, comme si l'on arrêtait avec une digue le cours d'une rivière pour l'empêcher de couler. La profession des hommes qu'on va consulter, savoir des médecins, des gens qui tirent les sorts et des astrologues, celle des neuf classes d'hommes appelés Kyoliu, et les arts mécaniques, sont compris sous la dénomination de Feng Shui. Ceux qui exercent les plus humbles professions cherchent seulement à gagner de quoi vivre et se vêtir. Ceux qui cultivent les sciences les plus nobles et les plus relevées ont pour but d'être utiles au monde. Si vous leur fermez la route, et que vous les empêchiez de circuler dans l'Empire pour exercer leur art ou leur métier, vous les réduisez à laisser mourir de faim et de froid leur père et mère, leurs femmes et leurs enfants, ou à tomber d'inanition au milieu d'un chemin. N'est-ce pas une faute des plus graves? Cependant, il faut aussi examiner quel genre de profession les hommes exercent. Si ce sont des charlatans qui répandent des doctrines dangereuses, des sorciers, des médecins ignorants, des alchimistes qui peuvent compromettre la fortune, la santé ou la vie des hommes, ce n'est point un crime d'empêcher l'exercice de leur profession. Quant à ceux qui sauvent les hommes de maladies mortelles, qui distribuent des pilules et des remèdes salutaires, qui font imprimer et répandent à leurs frais des recettes médicales, il n'est pas permis d'arrêter leur zèle et leur dévouement. Railler et calomnier les saints et les sages. Commentaire. Le mot shan, hein, signifie critiquer quelqu'un, le tourner en ridicule. Le mot pang, de, veut dire calomnier. L'expression xingyan désigne les saints hommes et les sages lettrés de l'Antiquité. L'empereur lui-même les honore et les respecte, comment pourrions-nous les railler et les calomnier? À plus forte raison devons-nous respecter les saints et les sages des trois religions? Quoique les religions des lettrés, des bouddhistes et des taoïstes diffèrent entre elles, cependant le principe tend également à rendre l'homme vertueux. Dans le monde, il y a des hommes qui ne suivent point les préceptes de ces religions et qui, poussés par la perversité naturelle, les critiquent et les tournent en ridicule. D'autres, fiers de leur talent, les méprisent et les calomnient. Ils se rendent coupables du plus grand des crimes. Histoire. Sous la dynastie des Song, dans le district de Lichian, dépendant du département de Nanchangfu, le temple du Saint-Homme de Confucius étant délabré et prêt à tomber en ruine, on en construisit un nouveau au midi du district. Quand on voulut transporter sa statue, 10 hommes ne purent la faire bouger de place. Un lettré qui se trouvait à côté d'eux, dit en plaisantant. Voilà donc celui qu'on appelle Chongni. Le magistrat du district le réprimanda sévèrement et lui dit « Quoi? Vous êtes lettré, et vous osez insulter le saint homme. » Le lettré se retira en tremblant. La nuit suivante, il vit en songe un homme vêtu de rouge qui le fit conduire au bas du vestibule, et le condamna à recevoir 20 coups de bâton. À son réveil, il se trouva comme frappé de stupidité. Ses yeux ne pouvaient plus reconnaître un seul caractère. Si donc ce lettré devint coupable pour avoir laissé échapper un mot de plaisanterie, il est facile de prévoir le sort qui est réservé à ceux qui raillent et calomnient les sages et les saints. Dans le district de Wukongyan, il y avait un temple où l'on avait rassemblé une collection de livres religieux. 6 élèves de l'école du district venaient souvent dans le temple pour étudier. Un jour d'hiver, 4 d'entre eux brûlèrent de ses livres religieux pour se chauffer, un autre élève brûla un ouvrage afin de faire tiédir de l'eau pour sa toilette. Un seul d'entre eux, nommé Kang Tui-shan, fut indigné de leur conduite, mais il n'osa proférer un mot de blâme. La nuit suivante, Kang Tui-shan eut un songe et se vit conduit avec ses condisciples devant le tribunal du dieu San Quan Tikyu. Les 6 étudiants se prosternèrent devant lui. « Efou est un grand saint, leur dit-il. Comment avez-vous osé brûler ces livres sacrés pour vous chauffer ?» Les 4 étudiants frappèrent la terre de leur front et demandèrent pardon de leur crime. Ils furent condamnés à la mort. Celui qui avait fait tiédir de l'eau pour sa toilette fut condamné à n'obtenir aucun avancement pendant toute sa vie. Enfin le dieu demanda à Kang Tui-shan pourquoi il n'avait pas adressé des représentations à ses camarades. « Je savais qu'ils faisaient mal, répondit Kang, mais comme ils étaient plus âgés que moi, j'ai craint de les offenser par des reproches. Je vous pardonne, lui dit le dieu, mais quand vous serez élevé à une charge éminente, ne manquez pas de donner appui et protection à la religion de Efo. » À son réveil, Kang écrivit le songe qu'il avait eu. Il obtint le grade de Kohang Yuan, le premier rang sur la liste des docteurs. Dans la suite, les 5 autres étudiants échouèrent dans leurs examens et furent mis hors de concours. 6 mois après, la peste s'étendit dans leur pays et ils périrent avec toute leur famille. L'étudiant qui avait brûlé un ouvrage sacré pour faire chauffer de l'eau devint dans sa vieillesse un pauvre maître d'école. Il mourut de faim dans la 7e année du règne de Shitsong de la dynastie des Ming, 1529. Or, détruire par le feu les livres sacrés, c'est un crime encore plus grave que de railler et de calomnier les sages et les saints. Le papier, écrit ou imprimé, offre souvent des maximes qu'ils nous ont léguées. Si nous l'employons à des usages immondes, si nous le foulons aux pieds, au lieu de le conserver avec respect, nous commettons un crime aussi grave que de les railler et de les calomnier. Tsetong Tikyu dit. Les lettrés que j'employais dans mon bureau, lorsque j'étais magistrat, étaient tous des hommes qui respectaient les livres composés par les sages et les saints de l'Antiquité. Le père de Wang Ginkong avait pendant toute sa vie montré un grand respect pour le papier écrit. Toutes les fois qu'il envoyait par terre, il le ramassait et le brûlait. Un soir il vit en songe Xuan Xing, qui lui toucha l'épaule d'une main caressante et lui dit « Parce que vous avez constamment respecté mes écrits, je vous ferai obtenir un fils nommé Zhanzan, qui illustrera votre maison. » Quelque temps après, sa femme lui donna Yin Kong, qui reçut le petit nom de Zhan. Il fut successivement le premier des licenciés, des docteurs et des enlins membres de l'académie. Enfin l'empereur l'éleva au rang de ministre d'État. Yang Xuanchen avait coutume d'enterrer le papier écrit. Pendant 5 générations ses fils et ses petits-fils obtinrent le grade de docteur. Li Zizai enterrait le papier écrit. Il arriva au fait des honneurs. Yang Peiying, s'étant assis sur un livre canonique, il fut attaqué de la lèpre, ainsi que toute sa famille. Xian Yuquan ayant détruit un exemplaire de Meng Tzu, toute sa famille fut exterminée. Nous voyons des étudiants qui gâtent leurs livres et qui foulent aux pieds le papier écrit. Ils échouent tous dans leurs examens, et l'âge blanchit leur tête avant qu'ils aient obtenu aucun avancement. Ils ont des fils et des petits-fils que leur ignorance et leur stupidité rendent incapables de continuer la réputation littéraire de leurs ancêtres. Ils sont punis de la sorte, pour avoir méprisé les sages et les saints. Parmi les hommes d'aujourd'hui, il y en a, il est vrai, qui savent conserver le papier écrit, mais ils s'en servent pour coller l'intérieur de leurs appartements ou pour faire des enveloppes. Ils sont entièrement dépourvus de respect pour les livres des sages, et ils ne sont pas moins coupables que ceux qui salissent le papier écrit ou qui le foulent aux pieds. Comment pourraient-ils échapper au châtiment qu'ils ont mérité? Insulter et traiter avec cruauté ceux qui se livrent à l'étude de la raison et de la vertu. Commentaire. Le mot « saint » signifie insulter, attaquer. Le mot « ling » veut dire traiter quelqu'un avec cruauté ou l'accabler d'outrage. L'expression « Tao Te » désigne ceux qui possèdent la science du Tao et ceux qui se distinguent par une conduite vertueuse. Les anciens disent, si vous possédez à un haut degré le Tao, les dragons et les tigres tomberont à vos pieds. Si vous êtes doué d'une vertu éminente, les esprits vous respecteront. Ils disent encore, les hommes calmes et protègent les esprits du ciel, sont ceux qui possèdent la science du Tao et ceux qui cultivent les vertus. Si donc vous osez insulter les saints hommes et les traiter avec cruauté, même lorsqu'ils ne disputent pas avec vous, l'esprit qui préside à l'examen des fautes des hommes s'irritera de cette attaque coupable, et vous infligera un châtiment sévère. Histoire. Kuang Qian, qui obtint le grade de Kuang Yuan, le premier rang sur la liste des docteurs, avait dans sa jeunesse un goût passionné pour le vin. Un jour, s'étant enivré, il alla dans le temple de Qing Tianse, et vit un prêtre de Efo qui expliquait le livre sacré appelé Ling Yan King. Il entra en colère, prit un papier écrit, le jeta à terre et le foula aux pieds. Ce n'est pas tout, il renversa la statue du dieu Wei Fei. Quelques mois après, comme il voulait donner un coup de pied à un esclave, il frappa par mégarde contre une colonne, et se meurtrit les doigts du pied. Il s'y forma un ulcère qui lui faisait souffrir des douleurs inouïes. Il vit en songe le dieu Wei Fei, qui lui adressa de sévères reproches. À son réveil, il mourut subitement. Sous le règne de Yan Song, de la dynastie des Ming, de 1465 à 1488, un inspecteur impérial de Zhuqiang nourrissait une haine implacable contre les religieux de Efo et les Taoïstes qui voyageaient pour prêcher leur doctrine. Il les chassa avec une dureté sans exemple. Tout à coup parut un moine mendiant de la secte de Efo, sans qu'on pût savoir d'où il venait. Il était assis sur le pont appelé Tachongqiao et instruisait le peuple. L'inspecteur impérial en ayant été informé, entra dans une violente colère, et alla lui-même pour se saisir de lui. Le mendiant resta assis sans qu'il pût le faire bouger. L'inspecteur s'irritant de plus en plus, chargea ses employés de l'arracher de sa place, mais ils ne purent y réussir. Sur le champ, il leur ordonna de lui appliquer des soufflets. On vit alors tout son visage resplendir d'un éclat brillant, comme le soleil et la lune. L'inspecteur fut frappé d'effroi, et ressentit dans les jambes une telle faiblesse, qu'il lui fut impossible de rester debout. Quand on l'eut ramené chez lui, il dit à sa femme : « Cet homme est un esprit du ciel, qui s'est illustré par l'étude de la raison et de la vertu. J'ai eu l'imprudence de le prendre pour un de ces sectaires qui répandent de fausses doctrines. C'est pour cela que je vais mourir aujourd'hui. » À ces mots, il expira. Lancez des flèches aux oiseaux et chassez les quadrupèdes. Commentaire. Le mot Fei désigne ici les oiseaux qui volent. Le mot Tseu, 4, signifie les quadrupèdes qui courent. Les uns volent, les autres courent pour chercher à manger et pour voir à leur subsistance. Si vous les frappez à coups de flèche, et si vous les chassez avec des armes meurtrières, si vous vous servez d'une lance empoisonnée, de fusil, de gluau, de lacet, etc. Pour les blesser ou les tuer, c'est le comble de la barbarie. Si la chasse devient votre occupation habituelle, vous ne pouvez manquer d'être puni de cette cruauté. Histoire. Un soldat placé sous les ordres du général Xian avait pris une oie sauvage et l'avait placé dans une cage à l'arrière du bateau sur lequel il était monté. Une autre oie qui volait dans les airs suivait le bateau en poussant des cris plaintifs. Lorsqu'on fut sur le point de débarquer, l'oie qui était dans le bateau allongea le cou en dehors de la cage en poussant de grands cris. L'oie qui suivait le bateau vint s'abattre sur la cage. Elles entrelacèrent leurs coups et moururent. Le général Tien, en ayant été informé, entra dans un violent de colère et fit donner 30 coups de bâton à chacun des soldats qui se trouvaient sur le bateau. Un homme de la province de Honan, nommé Pan Qing, prenait un grand plaisir à la chasse. Un jour il alla sur une montagne et perça d'une flèche un singe femelle. L'animal arracha la flèche au milieu des plus cruelles souffrances. Il prit subitement son petit et l'allaita. Ensuite il cueillit plusieurs grandes feuilles, en forma une espèce de coupe qu'il remplit du reste de son lait et la plaça à côté de lui. Quelques instants après il mourut en poussant des cris perçants. À ce spectacle, Pan Qing fut saisi d'un sentiment de douleur, et dès ce moment il renonça à la chasse. On voit par là que tous les animaux sont doués d'une nature semblable à la nôtre, et qu'ils éprouvent la même affection pour leur famille. Quand les oiseaux et les quadrupèdes errent loin de leur nid ou de leur gîte, et qu'ils sont tués par une flèche, on peut les comparer à un homme qui, étant éloigné de sa maison, tomberait au milieu d'une grande route, sous les coups d'un brigand. Toute sa famille l'attend avec une douloureuse anxiété. Cet exemple peut faire juger de la cruauté du chasseur. Les anciens disaient, de grâce, ne tuez pas un oiseau âgé de 3 printemps. Les petits, qui sont encore dans le nid, attendent le retour de leur père et de leur mère. On peut en dire autant des quadrupèdes.